êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la période du 12 au 25 mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette édition d'une heure des Palmarès, c'est fou, on va entendre évidemment nos numéros 1 d'ici la fin. On va savoir si c'est toujours Jacques Mare avec Paris P, du côté francophone, et en anglophone, si c'est toujours Tokyo Police Club avec Miserable. En fait, on sait déjà que numéro 1 est toujours Jacques Mare avec Paris P. On l'a entendu la semaine passée parce que tout l'été, on bascule du côté francophone au côté anglophone de semaine en semaine. Et vous l'aurez compris, cette fois-ci, c'est en anglophone qu'on s'en va, qu'on va passer toute l'heure. On va commencer avec les nouvelles entrées. Tiens, du coup, côté anglophone, donc Beef Donut est en 18e place avec Found Like This, Piff Paff Hangover avec Whatever Works en 19e, mais on débute en 20e. Voici le deuxième extrait de l'album Pagan Day de Pai Pai, c'est New York. Tout de suite sur le 89 FM, c'est fou. En direct de la grande métropole, pas New York, mais Trois-Rivières, c'est même combat, hein, c'est... Ha! Nouvelle entrée. Beef Donut et Found Like This, une nouvelle entrée en 18e place, précédée d'une autre nouvelle entrée, Piff Paff Hangover et Whatever Works, deuxième extrait de Curry Love. On débute avec le deuxième extrait de Pie Pie, New York, sur l'album Pagan Day. Justement, leur première pièce était Pagan Day. On va l'entendre juste là, au moins un extrait, parce que lorsqu'on accueille trois nouvelles entrées anglophones, et on a accueilli trois nouvelles entrées francophones la semaine passée, il faut dire au revoir à un total de 6 pièces. Et quand on fait ça, on appelle ça Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès si fous depuis la précédente édition. Qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 28 avril au 11 mai 2014. On entend dans l'ordre Shy Foxtrot et La Mémoire Courte qui a duré 7 semaines. Ensuite, Mardi Noir et Palme Mélamine, 8 semaines. Les Hey Babies et leur pièce Fil de téléphone, 6 semaines. Piff Paff Hangover, 12 Pack. Eux, ils sont de retour cette semaine, mais cette pièce a duré 8. Haim avec Falling qui a quand même persévéré pendant 7 semaines. Et Pie Pie qui est de retour aussi avec cette fois-ci Pagan Day qui a duré 12 semaines. C'est énorme. Et ils sont de retour avec la pièce New York qu'on a entendue un petit peu plus tôt dans l'émission. On en va là pour Palmer in Peace. On fait ça chaque semaine au Palmarès C'est Fou. Oui, les semaines où on fait le francophone, on le joue la première fois, on le rejoue dans l'édition anglophone, juste pour pas se perdre dans le processus. Donc, c'était deux fois le même montage. Ça va être comme ça aux deux semaines. Maintenant, on passe à notre prochain bloc. On va sauter une pièce. On va faire donc un bloc deux tiers. On va entendre plus tard Language Arts qui monte d'une place avec Building a Mountain with Our Bare Hands. On va sauter par-dessus la 16e Airborne de The Pacelli qui est là depuis 9 semaines. Débutons en 17e place. C'est le monde de deux. C'était nouveau la semaine passée. Voici Chad Van Galen et Where Are You? Tout de suite au Palmarès, c'est Filou! 89 FM. I Language Arts, c'est Building a Mountain with Our Bare Hands. Position numéro 15, ça monte d'une place, 3e semaine de présence. Avant de sauter par-dessus de Pack 80 et Airborne, qui descend de 12, 9e semaine de présence. Et en 17e place, au début du bloc, c'était Chad Van Gelen et Where Are You, qui monte de 2 places. C'était nouveau la semaine passée sur l'album Shrink Dust. De tout valeur, c'est fou. Condenser la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Évidemment, condenser, d'habitude, c'est en 3 heures. Là, on condense en 1 heure seulement. Donc, on passe extrêmement rapidement à travers juste le côté anglophone cette semaine. Et on fera le côté francophone avec un nouveau palmarès la semaine prochaine. Et ensuite, l'anglophone. Et ensuite, le francophone. Vous avez compris la suite dans les idées. Vous pourriez sûrement rentrer à l'université avec un raisonnement comme celui-là, d'avoir compris ça. Maintenant, on passe au bloc des 14, 13 et 12. On va sauter par-dessus la 14e parce qu'elle est trop vieille. C'est Unknown Color et Me and I sur l'album Barely See the Sun. On va entendre Royal Canoe avec Just Enough dans quelques instants, mais on débute avec Drive-By Truckers. Ça monte de 7 places, c'était nouveau la semaine passée. Voici Shit Shot Count sur C'est Fou. Retour Kaiser Chiefs, c'est les positions 3, 2 et 1 du palmarès anglophone. Au palmarès, c'est fou. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bonjour, c'est l'édition francophone des Palmarès Fou pour la période du 12 au 25 mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. On est en plein milieu d'un bloc des positions 13 et 12, tiens. Donc, retournons-y. Position numéro 12, anglophone, c'est Rock New. Voici Just Enough. Palmarès Fou. Non, ouais, je suis revenu à la mi-temps. J'en reviens pas là-dessus à la mi-temps. Puis je voulais vous reparler. Vous manquez. On se voit plus même souvent. We've got nothing to hide. Watch our skin lighten up. Curious little ghost. You don't peek, no, you don't. Water washes off your back. Everyone's reflective. We're not Royal Canoe et Just Enough. Position numéro 12 anglophone, ça monte de 3 places. Avant d'entendu Drive-By Truckers et Shit Shots Count, qui montent de 7 places, c'était nouveau la semaine passée. On a sauté par-dessus Unknown Color et Me and I, stable en 14e anglophone. Maintenant, on saute par-dessus plein de choses. En 11e, Horses Fell de Darcy's. En 10e, The Factory Gates de Kaiser Chiefs. En 9e, Medicine de Broken Bells. En 8e, Banger de Walrus. On s'en va entendre donc les positions 7 et 6. On a juste assez de temps pour l'entendre plus tard. Sleeper Agent et Be Brave. Mais avant ça, ça monte de 2 en 7e anglophone. Voici The Pretty Reckless et Going to Hell. Au palmarès, c'est fou! Now 6. Mon hymne en ce moment, j'adore cette chanson-là, j'ai tout le temps dans la tête. Be Brave, The Sleeper Agent, position numéro 6, ça monte de 1, précédé de Going to Hell, de The Pretty Reckless, qui monte de 2 places en 7e position anglophone. Voilà qui nous amène à notre top 3, parce qu'on saute par-dessus encore d'autres choses. On saute par-dessus la 5e, Mark Mills avec Triple Fire Sign. En 4e, on saute Crust and Crumbs de Tough Mits. Malheureusement, toutes de très bonnes pièces. On y reviendra sur notre temps dans la prochaine édition d'Assemblage Requis. Donc, position numéro évidemment, 1, je la dis pas. 2e place de Stripes avec You Can't Judge a Book by Its Cover. Mais débutons en 3e place avec l'ancien numéro 1 qui descend de 2 places. Petite chute pour Tokyo Police Club. Voici Miserable. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou! I wanna travel to the future again. I wanna travel to the future. I wanna travel to the future again. I heard about it from a friend of a friend. With you.

C'était le top 3 du palmarès anglophone, oui, pour la semaine ou la période du 12 au 25 mai 2014. On vient d'entendre Pascal Picard et Paper Planes qui montent de 4 places en première anglophone. Avant ça, The Stripes et You Can't Judge a Book by its Cover qui montent de 6 places. Et avant ça, l'ancien numéro 1 en 3e, Miserable avec Tokyo Police Club sur l'album Force Field. Voilà pour le top 3 et pour cette heure particulière des palmarès. C'est fou, on va être de retour avec le palmarès francophone la semaine prochaine. Il y a un tout nouveau palmarès pour la période qui débutera le 26 mai, une période de 2 semaines comme toujours. On se retrouve donc la semaine prochaine, jeudi, entre 14h et 15h. C'est là pour Assemblage Requis qui s'en vient juste après avec moi-même. On joue le samedi et là, on est après Assemblage Requis, donc c'est entre 15h et 16h. Assemblage Requis commence à midi. Restez là pour les précieuses ridicules à 16h. Et finalement, on joue le lundi. Mettons que le bloc au complet, c'est Assemblage Requis et les palmarès. C'est fou entre 14h et 18h. Après nous, c'est Raconte-moi ta ville avec Chantal Carignan, accompagné de David Ferron et ses invités, leurs invités en fait. Voilà, c'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se quitte avec une pièce qu'on a sauté tantôt, la quatrième anglophone, Tough Mitts et Crusts and Crumbs. À la semaine prochaine, bye! Shh, shh, shh.